Je grandis un peu sans toi. Je grandis même quand je te vois pas. Et je te vois pas souvent, papa. Je rêve un peu même quand t'es pas là. Je ne sais pas quand tu reviendras. Je ne sais pas combien la terre a tourné deux fois. Je ne sais pas tout ça, mais je sais tu me manques. Et des fois j'ai envie de pleurer, mais je ne pleure pas. Je grandis un peu sans toi. Je grandis malgré moi. Un jour je ne tiendrai plus dans tes bras. Je rêve même quand t'es pas là. J'attends que tu viennes me chercher. Qu'on reste ensemble. Je vis bien ces rêves, mais je sais que tu me manques. Et des fois j'ai envie de pleurer, mais je ne pleure pas. Je sens que tu sais que ça ne va pas. Je grandis un peu sans toi. Je grandis même quand je te vois pas. Et je te vois pas souvent, papa. Tu sais tout ça. Toi.